Un peuple oublié, mais sans cesse instrumentalisé. Et d'une certaine façon, cela continue, puisque aujourd'hui, les Kurdes semblent les seuls à pouvoir faire pièce aux djihadistes du prétendu État islamique, sur le terrain en tout cas. Mais alors que le XXe siècle a été tragique pour les Kurdes, le XXIe pourrait devenir celui de leur émancipation, si j'en crois Kendal Nezan, le directeur de l'Institut kurde de Paris. Leur émancipation, et peut-être même cette indépendance qui leur avait été promise par les grandes puissances il y a un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. La semaine passée, mon interlocuteur a retracé la longue et sanglante histoire des Kurdes qui sont répartis dans quatre États, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Dans ce nouvel entretien, il analyse les évolutions récentes de la question kurde à la lumière de la guerre civile en Syrie et de l'apparition explosive et sanguinaire de l'État islamique en Irak et au Levant, le califat de la haine, comme on l'appelle déjà. Et en tenant compte aussi de la décision du président Obama de lancer une offensive de grande ampleur contre les djihadistes de ce même califat avec une coalition de plusieurs pays. Une offensive où les combattants kurdes, les redoutables Peshmerga, seront obligatoirement en première ligne. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La récente décapitation de trois otages, dont deux journalistes américains par les djihadistes de l'État islamique, a provoqué une vague d'horreur dans le monde entier. Oui, d'autant que ces scènes macabres ont été filmées et diffusées sur Internet. Mais il ne faut pas oublier que selon des informations généralement fiables, des centaines d'autres prisonniers, combattants ou pas, ont été victimes de la même sauvagerie. Ouais, quoi. Stratégie de la terreur ? Qui donne l'impression d'être parfaitement planifiée et même médiatisée, car les djihadistes de l'État islamique maîtrisent à la perfection les techniques modernes de communication. Alors, avant de voir plus précisément le rôle des Kurdes dans cet enchaînement de violences, un mot sur cet État islamique qui fait si peur aujourd'hui. Le Daesh, comme on l'appelle aussi de façon péjorative. Un acronyme, hein ? Oui. À l'origine, en 2002, il y a un médiocre voyou jordanien, Abu Moussa al-Zarqawi, qui devient un chef de bande dans l'Irak de la période post-Saddam Hussein. Installé dans le nord du pays, ce Zarqawi s'affilie à la nébuleuse Al-Qaïda. Ce sera Al-Qaïda en Mésopotamie. Oui, il s'agit alors, pour lui, de lutter à la fois contre les Américains et les chiites, longtemps muselés par Saddam, et qui, sous l'occupation états-unienne, relève la tête. D'autant qu'ils sont majoritaires dans le pays et qu'ils vont recevoir un appui puissant des voisins iraniens. Également chiites. Hein. Le groupe de Zarqawi se nomme Al-Tawhid wal-Jihad, c'est-à-dire l'unité et la guerre sainte. Déjà. Hein. Oui, et rapidement, il donne la mesure de sa brutalité. Il ordonne la décapitation d'un entrepreneur juif américain, Nicolas Berg. Et en même temps, ses troupes se livrent à des massacres de chiites. Oui. Mais Zarqawi est tué à son tour. Hein. Par les Américains, oui, en 2006. Et notez qu'il se trouvait alors dans la province irakienne de Diyala, dont est originaire un certain Abu Bakr al-Baghdadi. Oui, celui qui s'est proclamé assez récemment calife de l'État islamique. C'est ça, ce qui indique qu'il y a une filiation entre les deux hommes. D'ailleurs, très vite après la mort de Zarqawi, Al-Qaïda en Mésopotamie est reprise en main par un envoyé égyptien de l'adjoint de Ben Laden, Zawahiri, associé à al-Baghdadi. C'est à ce moment-là, en 2007, que le groupe terroriste prend le nom d'État islamique en Irak. Puis en 2010, al-Baghdadi assume seul la direction de l'organisation. Quelle est alors son importance ? C'est une structure marginalisée qui, sur sa terre natale, subit la pression des Américains, de l'armée irakienne et de milices sunnites hostiles. C'est pourquoi al-Baghdadi va partir se recycler en Syrie, où la guerre contre le régime de Bachar el-Assad a commencé en 2011. Mais ses débuts là-bas sont plutôt difficiles. Et Baghdadi est rejeté par les autres groupes rebelles, et d'abord par l'ALS, l'Armée de Libération de la Syrie. Oui, qui est plutôt laïque. Hein. Mais aussi par le groupe fondamentaliste Jabhat al-Nosra. Qui, curieusement, se réclame aussi d'Al-Qaïda. Hein. Cependant, ça n'empêche pas al-Baghdadi d'implanter ses hommes dans de nombreuses villes du nord de la Syrie, dont Raqqa. Oui, ce qui signifie que ses rangs ont grossi. Incontestablement. Ses appels au djihad ont fait mouche. Il faut aussi observer qu'au même moment, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Irak, al-Maliki, le premier ministre, poursuit la marginalisation des populations sunnites. Résultat, celle-ci se soulève en 2013. Ah ben, c'est une occasion rêvée là pour al-Baghdadi. Hein. Oui, et qui va créer l'État islamique en Irak et au Levant, la nouvelle appellation de l'organisation. Le chef terroriste peut ainsi revenir en force chez lui. Et il va pouvoir réaliser, au moins en principe, son ambition. La création d'un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak, c'est-à-dire d'Alep, la syrienne, jusqu'à la province irakienne de Diyala. Et dès lors, cela va aller très vite. Mais comment expliquer cette stupéfiante montée en puissance de ce prétendu État islamique ? C'est qu'al-Baghdadi a réussi à rassembler autour de lui un étonnant amalgame. Une coalition sunnite hétéroclite de groupes aux idéologies diverses. Le noyau originel, le plus efficace aussi, est constitué par les anciens cadres baassistes de l'armée de Saddam Hussein. Des militaires qui ont été chassés de l'armée irakienne par les Américains. Ah, ça, c'est une erreur considérable. Ces anciens soldats se sont d'abord regroupés dans des structures telles que l'armée de la voix de Naqshbandi ou l'armée des guides, très active au nord de Bagdad. Ce sont des hommes généralement expérimentés. Certainement. À côté, on trouve aussi des organisations affiliées aux frères musulmans, auxquelles se sont associées une multitude de groupuscules armés sunnites de tendance baassiste ou islamiste. Puis, des chefs de tribus sunnites se sont ralliés. Avec leurs affidés. Ouais. Forcément. Enfin, et c'est loin d'être négligeable, l'État islamique a été rejoint peut-être même des milliers de combattants étrangers. Oui, des candidats, on les appelle comme ça, au djihad. Oui, c'est pourquoi, fort de tous ces volontaires, l'État islamique a pu, dès janvier 2014, prendre le contrôle de Ramadi, puis de Fallujah. Oui, Fallujah qui se trouve très près de Bagdad. À seulement 60 kilomètres. Puis, à partir du 9 juin 2014, les djihadistes mènent une offensive fulgurante qui leur permet de s'emparer de larges pans du territoire irakien dans le nord et l'ouest. Le 10 juin, la grande ville de Mossoul, l'ancienne Ninive, tombe à son tour et l'armée islamique s'arrête dans les faubourgs de Bagdad. Oui, et suit la proclamation du califat. Oui, début juillet, l'État islamique diffuse une vidéo où pour la première fois al-Baghdadi apparaît lors d'un prêche à la grande mosquée de Mossoul. Ouais, ce chef de guerre s'affirme donc également comme un chef religieux. Autoproclamé, calife Ibrahim. Il prétend par conséquent être le successeur de Mahomet. Ah ouais, pas moins. Bon, enfin, revenons aux conséquences de cette foudroyante offensive. Et nous allons bientôt retrouver la question kurde. Cette conquête de territoire, et c'est particulièrement vrai pour Mossoul, la grande ville du Nord, s'accompagne de nombreuses atrocités et conduit de plus en plus d'Irakiens à fuir. C'est le cas des Arabes chiites, des Kurdes, des yézidistes, dont nous reparlerons, et bien sûr des chrétiens. Mais où peuvent-ils se réfugier ? Ils affluent vers les provinces du nord de l'Irak sous contrôle kurde. En même temps, on assiste à une débandade sans précédent des forces irakiennes. L'armée de Bagdad. Ces militaires fuient sans même combattre, ou pire, ils abandonnent à leurs adversaires leur matériel. Des engins souvent sophistiqués, canons, chars, missiles. Qui leur ont été donnés par les Américains. Et ça renforce d'autant la puissance de frappe des rebelles. À la mi-juillet, les derniers chrétiens de Mossoul sont expulsés. Puis à partir du début août, les forces de l'État islamique conquièrent le Sinjar, un massif du nord-ouest irakien qui se trouve près de la frontière syrienne. Ouais, c'est là où la région où résident les Yézidis. Alors, une parenthèse là, qui sont ces Yézidis ? Cette communauté forte de plusieurs dizaines de milliers d'individus installés dans les montagnes est kurdophone. Mais les Yézidis ne sont pas réellement musulmans, je m'explique. Les Yézidis pratiquent une religion monothéiste qui puise une partie de ses croyances dans le zoroastrisme. Oui, ça c'est la religion de la Perse antique. Hein. Oui, à laquelle, grâce à un système religieux syncrétique, ils ont mêlé l'enseignement d'une confrérie religieuse musulmane orthodoxe fondée par un mystique soufi venu du Liban avec ses disciples au XIIe siècle. Ils ont fait de nombreux adeptes dans les tribus kurdes. Une observation. La figure majeure du yézidisme est Malek Taous, l'ange Pan. Oui, Pan comme oiseau. Hein. Oui, mais les musulmans orthodoxes assimilent cette créature à Satan. Donc, les yézidis sont considérés par les islamistes comme des adorateurs du diable. Tout à fait ça, et ça explique en partie la férocité avec laquelle ils ont été traités par les combattants de l'État islamique. Au reste, les yézidis ont souvent été persécutés. Et déjà au XIXe siècle, victimes de massacres, bon nombre d'entre eux se sont réfugiés dans le Caucase méridional, en Arménie et en Géorgie, où ils continuent de former une diaspora soudée. Par contre, ils ont pratiquement disparu du territoire turc, mais restent nombreux au Kurdistan irakien, où se trouve la tombe de leur premier prophète. Mais d'autres habitaient donc le massif du Sinjar. Dans une zone où l'un des deux partis kurdes irakiens, le PDK de Barzani, s'est aussi installé en 2003. Mais dès cette époque, les yézidis ont été en proie aux attaques de groupes djihadistes. En août 2007, par exemple, ils ont été victimes de 4 attentats suicides qui ont provoqué des centaines de morts. Et quand l'offensive de l'État islamique, le Daesh, dans le Sinjar a été déclenchée, les Peshmerga du PDK n'ont-ils pas essayé de les défendre et de les protéger ? D'autant qu'ils sont effectivement considérés par les Kurdes irakiens comme authentiquement kurdes. Mais dans le Sinjar, les Peshmerga ont estimé qu'ils n'étaient pas de force à affronter l'armée de l'État islamique. Et malheureusement, ils ont abandonné les Yézidis à leur triste sort avant un peu plus tard de leur venir en aide. Un exode de 200 000 personnes à travers les montagnes. Cette attitude de repli des Peshmerga, on va la retrouver ailleurs. Mais en laissant la seule armée irakienne affronter les djihadistes, les dirigeants kurdes avaient une autre idée derrière la tête. Le malheureux sort des Yézidis, abandonnés à eux-mêmes, à la fois par l'armée irakienne et les Peshmerga. Voici ce que l'on peut lire sur le site internet de l'Orient Info Magazine en date du 5 août. D'après des témoignages rassemblés dans la journée du dimanche 3 août, l'entrée des hommes de l'État islamique dans le Sinjar aurait été immédiatement suivie d'atrocités et d'exactions visant spécifiquement la communauté yézidi. 30 personnes auraient été exécutées pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Des rapports de viols à grande échelle et d'enlèvements massifs concernant notamment des femmes et des enfants ont également émergé dans l'après-midi. Les sanctuaires et les lieux de culte de la communauté yézidi, qui se distinguent par leur architecture caractérisée par des dômes cannelés surmontés d'une flèche, auraient été détruits systématiquement par des djihadistes, de même qu'un mausolée chiite de la ville de Sinjar. Ces violences ciblant la population civile ont conduit des dizaines de milliers de personnes à se réfugier vers les monts du Sinjar, où les attendent une pénurie certaine de vivres et d'abris. La question est donc celle-ci. En faisant retraite dans le Sinjar et ailleurs dans le nord de l'Irak, les Peshmergas se sont-ils réellement rendus compte qu'ils ne pouvaient pas résister aux combattants islamiques ? Parce qu'ils étaient, par exemple, moins bien armés, ou bien s'agissait-il d'autre chose ? Je vous réponds dans un instant. Auparavant, il faut observer que la position des Kurdes irakiens évolue rapidement cette première moitié de l'année 2014. C'est-à-dire ? Les Kurdes sont dans un premier temps attentistes. L'offensive de l'État islamique, c'est d'abord l'affaire de l'armée irakienne. Mais plus les djihadistes se rapprochent du Kurdistan irakien autonome, et plus les Kurdes s'inquiètent. Et bientôt, ils se déclareront officiellement en guerre contre l'État islamique. Mais était-il vraiment menacé ? On peut en douter. Je ne pense pas que l'État islamique avait l'intention de s'en prendre aux Kurdes. Ce que les djihadistes voulaient, c'était chasser les chrétiens des nouvelles régions qu'ils conquéraient et progresser en direction d'un point stratégique, le barrage de Mossoul, qui alimente en électricité une grande partie du nord du pays. Oui, mais pour arriver à ce résultat, ils ont quand même dû enfoncer les lignes des Peshmergas. Des Peshmergas qui, assez curieusement, n'ont pas opposé de réelle résistance. Mais encore une fois, je vais revenir. Toutefois, pour bien comprendre, il faut tenir compte de l'histoire et de l'évolution du Kurdistan irakien. Je résume. Lors de l'invasion américaine de 2003, les Kurdes d'Irak sont les seuls à posséder une force politico-militaire organisée qui va même fournir alors un appui important aux troupes de Washington. Mmh. Oui, à partir de là, ils vont gagner en influence. Et tandis qu'ils vont former le noyau central de la nouvelle armée nationale, ils s'affirment politiquement. Le président irakien est un Kurde. Il est à la bannie. Oui, et le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement de Bagdad est aussi un Kurde, de même que le chef d'état-major. Cependant, leur influence est limitée par le premier ministre al-Maliki, l'homme des Américains qui leur est très hostile. Il n'empêche que le Kurdistan autonome, dirigé par l'autre grand chef kurde, Barzani, connaît alors une prospérité économique sans précédent. Des multinationales viennent y installer des filiales. Et surtout, dans un Irak toujours soumis à la violence et aux attentats des islamistes, le Kurdistan, lui, vit en paix. Ouais. Un îlot de prospérité. Tout à fait. Et c'est dû en particulier aux excellentes relations commerciales que les Kurdes irakiens entretiennent avec la Turquie. Ouais, c'est quand même assez paradoxal qu'on connaît la position turque à propos de la question kurde. Vous avez raison, c'est très très compliqué. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je vous expliquerai, et pour l'instant, restons en Irak. En 2012, une crise éclate entre le pouvoir irakien et le gouvernement de la région autonome du Kurdistan, le GRK. Et pour quelle raison, non ? Parce que les Kurdes ont participé à la manœuvre parlementaire visant à démettre un premier ministre, al-Maliki, de plus en plus déstabilisé par les nombreuses manifestations sunnites contre sa politique. Mais le premier ministre riposte en créant une nouvelle force militaire qu'il stationne dans les régions au sud de Kirkuk et dans la province de Sinjar. Donc tout près du territoire kurde. Et ça ressemble à une provocation. D'où la forte inquiétude des Kurdes qui voilà une tentative de mainmise et dépêche des milliers de Peshmergas dans ces régions. À la fin de l'automne, on est même à deux doigts d'une confrontation armée. La question est en effet sensible. Les Kurdes n'ont jamais oublié les souffrances subies à cause des politiques autoritaires de Bagdad. Et surtout, il y a la situation particulière de la grande ville de Kirkuk. Expliquez-moi. Kirkuk, que les Kurdes considèrent comme leur Jérusalem, est une ville d'environ 1 million d'habitants, où l'on trouve des Kurdes, des Turkmènes et des Arabes. Elle est également multiconfessionnelle. Mais quel est son statut là ? Officiellement, elle est située en dehors des frontières du Kurdistan autonome. Mais la ville fait partie, comme certains districts, des provinces de Ninive et d'Iyala, des territoires disputés entre l'État central irakien et les Kurdes, depuis la chute de Saddam en 2003. Et dans le cas de Kirkuk, c'est d'autant plus crucial que la région est riche en pétrole. Et après la politique d'arabisation forcenée conduite sous Saddam Hussein, les Kurdes, à leur tour, se réapproprient progressivement la ville. Après l'arabisation, la kurdification. En effet, en 11 ans, 600 à 800 000 Kurdes se sont réinstallés dans Kirkuk. C'est d'autant plus important que la constitution irakienne prévoit un recensement et la tenue d'un référendum sur un éventuel rattachement de Kirkuk au GRK. Oui, le Kurdistan autonome. Mais si ce référendum n'a jamais eu lieu dans les faits, Kirkuk et sa région sont tombés peu à peu dans les mains des Kurdes, en dépit du fait qu'ils stationnent encore des unités de l'armée centrale. En même temps, il se produit un événement important. Soudain, la Turquie opère un virage complet de sa politique étrangère vis-à-vis du GRK. Jusque-là, Ankara était violemment hostile aux dirigeants du Kurdistan autonome. Oui, parce que la seule existence de ce territoire pouvait être un exemple à suivre pour ses propres Kurdes. C'est évident. Et puis ce Kurdistan était aussi une base arrière pour les combattants kurdes turcs. Alors d'un seul coup, le GRK passe du statut d'ennemi juré à celui de meilleur allié. Et pourquoi cette évolution qui est un vrai coup de théâtre, hein ? D'abord parce que la Turquie a un intérêt économique certain. Grâce aux Kurdes irakiens, elle bénéficie de livraisons de pétrole à bon marché. Ouais, le marché noir, quand même. Bien sûr. Ce pétrole passe sous le nez, si j'ose dire, des autorités irakiennes. Et puis les investissements turcs se multiplient au Kurdistan. En outre, sur le plan intérieur, le premier ministre turc, Erdogan, a déjà prôné une politique plus clémente envers ses propres Kurdes, d'autant qu'il a de nombreuses autres difficultés à résoudre. Mais c'est très ambigu, parce qu'avec les Kurdes syriens, ils n'adoptent pas la même politique. On en reparlera. Alors, poursuivons sur le Kurdistan. La lune de miel de la Turquie, avec les dirigeants kurdes irakiens, irrite au plus haut point Bagdad. Mais allons vite. Je salue pour une fois cet effort. Bon, je vous en prie. C'est donc dans ce contexte de méfiance réciproque entre les Kurdes et les autorités irakiennes qu'en juin 2014, l'armée de Bagdad bat en retraite devant les forces djihadistes. Oui, il s'agit même d'une vraie débandade. Oui, mais ce qui est notable, c'est que les Peshmerga se sont bien gardés de venir au secours de l'armée irakienne. Ils auraient même refusé de soutenir l'armée en déroute. Et ce n'est pas innocent. Mais que cherchent les Kurdes alors ? Ben, regardez ce qui se passe. Les soldats de Bagdad ont disparu. Et les djihadistes campent à une quinzaine de kilomètres de Kirkuk. Kirkuk que les Peshmerga s'empressent aussitôt d'occuper. Ce qu'ils voulaient depuis le début, quoi. Et ce que leur a permis la déroute de l'armée irakienne. Alors, on comprend mieux pourquoi les Kurdes n'ont pas volé à son secours. Ah, d'accord, mais maintenant c'est à eux de faire face aux djihadistes. C'est juste, mais les Peshmerga, un peu trop optimistes, pensent alors que les forces de l'État islamique ne se retourneront pas contre eux, car elles sont bien plus désireuses d'avancer en direction du sud irakien, à la fois pour éliminer les chiites et s'emparer des champs pétrolifères qui s'y trouvent. Mais les Kurdes se trompent. En effet, début août, les djihadistes s'emparent de la principale ville chrétienne d'Irak, Karakoch. À leur tour, les Peshmerga qui défendaient la ville se débandent. Désormais, l'État islamique se trouve aux portes du Kurdistan irakien. À Erbil, sa capitale, on panique. La situation est d'autant plus catastrophique que le Kurdistan accueille maintenant des centaines de milliers de réfugiés, chrétiens, chiites, yézidis, qui ont fui devant l'avance de l'État islamique. Et les Kurdes sont donc maintenant garants de leur sécurité. Et peuvent-ils résister ? C'est à ce moment-là qu'ils lancent un véritable appel à l'aide internationale. Un appel d'abord reçu par les États-Unis, qui décident aussitôt de bombarder les positions des djihadistes. Et peu après, la France aussi leur viendra en aide en acceptant de leur envoyer des armes modernes et sans doute aussi quelques représentants des forces spéciales, même si ça n'est pas officiellement reconnu. Les Américains envoient également quelques troupes au sol. Hein. Oui, mais l'important, c'est que les Peshmerga apparaissent aujourd'hui comme un rempart contre l'État islamique. Ouais, même le seul rempart. Hein. Effectivement, mais ça leur donne une nouvelle dimension. Les Kurdes irakiens sont indispensables et même incontournables. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Confirmation de l'hypothèse de M. X sur la passivité volontaire des Peshmerga lors de l'offensive djihadiste de juin 2014. Sous le titre provocateur, les Kurdes en rêvaient. Grâce à l'État islamique, ils l'ont fait. Ariane Bozon écrit ceci dans Slate.fr, daté du 22 juin. Inattendu, l'offensive de l'État islamique en Irak et au Levant ? Pas pour le gouvernement de la région autonome du Kurdistan, qui l'aurait anticipé et en aurait profité pour étendre en quelques heures son emprise sur Kirkouk et d'autres territoires kurdes. À Kirkouk, les soldats irakiens ont eu peur, ils se sont volatilisés, laissant nos Peshmerga tout seuls. Ça, c'est l'explication officielle, celle que l'on entend du côté d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Mais la vérité serait légèrement différente. Selon le chercheur français Arthur Canet, les Peshmerga, ceux qui regardent la mort en face, en kurde, n'auraient rien fait pour empêcher la débâcle de l'armée fédérale des zones que Kurdes et Irakiens contrôlaient côte à côte. Cette débâcle a permis aux Kurdes de mettre la main sur la fameuse base stratégique de Kirkouk, occupé par les Américains jusqu'à la fin 2011, ainsi que de se déployer sur la totalité des territoires du Kurdistan tels que définis par les Nations Unies. Les frappes aériennes des Américains ont permis de desserrer l'étau de l'État islamique. Hein. Incontestablement. Et dès le 27 août, l'armée kurde a repris du terrain. Le mouvement d'expansion des djihadistes vers le nord irakien a été arrêté. Et le barrage de Mossoul a été réoccupé par les Peshmerga. Mais les djihadistes qui ne peuvent plus avancer ont eu recours à l'une de leurs autres armes, les attentats suicides. Ils ont frappé à Erbil et aussi à Kirkouk, où ils ont provoqué la mort de 21 personnes. Autre difficulté pour les Kurdes. La cohabitation est de plus en plus difficile entre les dizaines de milliers de réfugiés irakiens arabes et la population kurde. Mais enfin, transportons-nous maintenant à l'est, dans un autre territoire kurde qui aspire lui aussi à l'indépendance et compte profiter de la guerre civile pour y parvenir. Ouais, en Syrie ? Oui, là-bas, le principal parti kurde, le PID, Parti de l'Union démocratique, est une branche du PKK turc. Le parti indépendantiste kurde qui mène depuis de longues années une lutte sans merci contre les autorités d'Ankara. Hein. Et qui en retour a subi une terrible répression. Je vous rappelle que son leader historique, Öcalan, est emprisonné sur une île depuis 1999. Et d'ailleurs, sur le modèle inspiré par Öcalan, cette branche syrienne impose à ses adeptes une stricte discipline militaire. Et quelle est l'importance de cette communauté kurde ? Le contraire entre 1 et 2 millions d'individus, soit à peu près 10% de la population syrienne, répartis entre 3 foyers de peuplement situés le long de la frontière turque. Ah oui, alors sans continuité territoriale. C'est ça. Et les rapports alors avec le pouvoir syrien ? Bah, ils n'ont cessé d'évoluer, entre répression et instrumentalisation. Après une première période où les Kurdes subissent, comme en Irak, une politique autoritaire d'arabisation, Damas change du tout au tout. Conclut même une véritable alliance avec le PKK de Öcalan, qui est accueilli en Syrie et est autorisé à implanter des camps d'entraînement dans la Bekaa libanaise. Oui, alors occupé par les Syriens. Oui, ça va très loin, puisque les jeunes Kurdes qui rejoignent le PKK sont dispensés du service militaire obligatoire. Mais ça, c'est une vraie machine de guerre contre la Turquie. Ouais, c'est l'objectif, et c'est aussi une force supplétive au service du clan Assad. Mais à la fin des années 90, Ankara tape du poing sur la table et menace même de déclarer la guerre à la Syrie. Aussitôt, Hafez al-Assad réagit et rompt avec le PKK, dont les militants sont expulsés. En même temps, on assiste à un rétablissement de bonnes relations entre la Turquie et la Syrie. Au détriment des Kurdes. Naturellement. Les combattants du PKK se réfugient dans les monts Kandil, du côté irakien, tandis que l'agitation grandit dans la communauté kurde en Syrie. D'autant que les succès de leurs frères kurdes en Irak leur donnent des idées. Mais au printemps 2011, lorsque commence la guerre civile en Syrie, les cartes sont redistribuées. Damas, qui ne peut pas lutter sur tous les fronts et qui a toujours excellé à entretenir les divisions pour mieux régner, tente de rallier les Kurdes à sa cause. Et comment ça se concrétise alors ? Bachar el-Assad commence par remettre 300 000 documents d'identité à des Kurdes qui avaient été privés de leur citoyenneté. Puis il libère les prisonniers politiques. Et ça marche ? Oui, dès l'automne 2011, des centaines de combattants du PID, la branche syrienne du PKK, et aussi de militants d'autres partis reviennent de leur exil au Kurdistan irakien. Et sans coup férir, ces Kurdes prennent en main le destin des territoires qu'ils occupent. Alors, avec l'accord de Damas ? Bachar est alors bien trop occupé avec les batailles de Damas et d'Alep qui se déclenchent à l'été 2012 pour s'y opposer. Et son armée se retire de plusieurs villes kurdes dès juillet 2012. Ça ne va pas sans inquiéter les petits partis kurdes qui doivent subir la férule d'un PID aux méthodes autoritaires sinon dictatoriales. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Les Kurdes irakiens aussi, qui sont devenus les meilleurs amis des Turcs, ne sont pas très rassurés. Ouais, en tout cas, bon, Bachar el-Assad laisse donc faire. Peut-on parler d'une sorte d'alliance de fait avec les Kurdes syriens ? Alliance, bon, c'est peut-être exagéré, mais manifestement les deux parties ont des intérêts communs. La preuve, c'est que le PID se garde bien d'aider les opposants syriens de l'ALS. Ouais, l'armée de libération de la Syrie. Et parfois, ils n'hésitent pas à réprimer dans la violence les manifestations contre le régime de Bachar. Et ça donne l'impression que le gouvernement syrien a sous-traité au PID le contrôle territorial des régions kurdes. Et depuis le début de la guerre, les forces de sécurité de Damas ne sont plus intervenues dans les trois régions kurdes du nord de la Syrie. Alors, ce sont des régions qui sont devenues quasi autonomes. C'est la réalité. Depuis le mois de novembre 2013, le Kurdistan syrien dispose donc d'une administration indépendante, dominée par le PID, le parti kurde de l'Union démocratique, et c'est un véritable îlot de paix dans un pays ravagé par la guerre. Est-ce que la montée en puissance de l'État, prétendu État islamique, à la fois en Syrie et en Irak, change la donne ? Non, car ces régions autonomes kurdes de Syrie, à l'égal du Kurdistan irakien, apparaissent comme de vrais remparts contre le danger islamique. Et déjà, en novembre 2012, de violents combats ont opposé les Kurdes syriens aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Mais n'empêche que la déclaration unilatérale d'autonomie de ces territoires kurdes continue à inquiéter. D'abord les Turcs, et même les autorités kurdes irakiennes qui sont très proches d'Ankara. Cette hostilité est particulièrement évidente au poste de frontière entre les deux entités. Kurdes syriennes et kurdes irakiennes. Ce qui signifie qu'en dépit de leur appartenance à un même peuple, il n'existe pas de solidarité kurde. C'est la triste vérité. Et bien sûr, la Turquie a attisé le feu et s'est même livrée à un double jeu très dangereux. Expliquez-moi ça. Tout en plaidant le renforcement de ses liens avec le Kurdistan irakien, Ankara a favorisé l'entrée de groupes islamistes dans les territoires kurdes syriens. Alors, pour contrer le PID, là ? Évidemment. Toutefois, les autorités turques ont peu à peu changé leur fusil d'épaule. Les islamistes conservateurs au pouvoir à Ankara ont infléchi leur politique vis-à-vis des Kurdes. Au début, 2013, on a d'abord observé, nous en avons parlé récemment, l'ouverture de négociations de paix avec le PKK et Öcalan, son chef historique, depuis son île prison, a même appelé ses militants à respecter un cessez-le-feu. Ensuite, Ankara a entamé des discussions avec les Kurdes syriens. Alors, est-ce que la Turquie pourrait soutenir le Kurdistan syrien comme elle soutient économiquement le Kurdistan irakien ? Ça, c'est peut-être un peu prématuré. Il faudrait d'abord qu'Ankara règle la question de ses propres Kurdes, ceux qui vivent depuis toujours à l'intérieur de ses frontières. Et c'est un problème intérieur qui est loin d'être résolu. Car même si le Kurdistan syrien, formé de ces trois régions qu'on appelle le Rojava, évoluait sinon vers l'indépendance, du moins vers une très large autonomie, il faudrait répondre de façon positive aux revendications des Kurdes turcs. Et l'AKP turc, le parti au pouvoir, est encore loin de vouloir satisfaire ses espérances, d'autant que les nationalistes turcs sont loin d'avoir baissé les bras. Alors, ultime question, quel avenir pour ces deux Kurdistans ? Une chose est certaine, Les événements de ces dernières années ont fait voler en éclats le découpage des frontières, tel qu'il avait été établi au début du XXe siècle avec la signature des accords Sykes et Picot. Oui, l'accord franco-britannique. Établi sur les décombres de l'Empire ottoman. Et désormais, après l'espoir déçu de 1920, la communauté internationale ne pourra plus refuser aux Kurdes la possibilité de posséder un ou plusieurs foyers sécurisés où ils pourront vivre en paix, à condition, bien entendu, que ces mêmes Kurdes oublient leurs querelles. Et leurs ancestrales divisions. C'est certain. Après tout, nous le leur devons. Les Kurdes combattent aujourd'hui pour l'Europe et le monde occidental. Et ceci en dépit du fait que le PKK, à la manœuvre derrière le pays des Syriens, est toujours considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Nonante, qui vous livre son coup de cœur. Oui, Patrick, pour le travail d'un journaliste au Kurdistan, un très bon connaisseur de la région, il s'appelle Alan Kaval et fait une analyse passionnante de la montée en puissance des partis kurdes en Irak et en Syrie, des mouvements encore considérés comme terroristes par les États-Unis et l'Europe et qui se retrouvent à l'avant-garde de la lutte contre les djihadistes. Vous trouverez ces articles dans la revue suisse lacité.info, mais aussi dans Le Monde Diplomatique ou encore l'excellent site Orient 21. Eh bien, vive les Suisses. Et vous, vous pourrez nous retrouver sur franceinter.fr, ce qui vous permettra de dialoguer avec nous. À samedi prochain et tout de suite, après le flash, un peu de verre, CO2, mon amour, de Denis Chessou.